Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par Devenir Entrepreneur, une plateforme web qui vous présente les défis et bonheurs du métier d'entrepreneur. Découvrez des entrepreneurs ambitieux et leurs stratégies de croissance à l'échelle locale et internationale en visitant devenirentrepreneur.com. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'invention de la guillotine, une idée révolutionnaire. Si je ne supportais plus les potences, avec mon illustre confrère, le chirurgien Louis, nous avons pensé à cette machine. Les condamnés seront décapités par l'effet de ce simple mécanisme. On ne sent pratiquement rien. Tout au plus, l'impression d'un souffle d'air frais sur la nuque. Un minimum de souffrance auquel chacun a droit. C'est propre, rapide et efficace. Extrait du film « La Révolution française » réalisé par Richard T. Efron en 1989, on y entend le député Joseph Guillotin présenter sa toute nouvelle machine de mise à mort, la guillotine, une machine qui permet de minimiser la souffrance du condamné et qui soit dorénavant, propose Guillotin, la seule méthode d'exécution utilisée en France, rendant ainsi tous les condamnés égaux devant la mort. Ça peut étonner à première vue, mais l'idée de Guillotin est donc au départ à la fois humaniste et révolutionnaire. Une exposition qui connaît un très grand succès au musée d'Orsay à Paris. Son titre est explicite, Crime et châtiment. Une porte de cellule de condamnés à mort témoigne du désarroi de ceux qui étaient promis à la guillotine. Celle qu'on appelle la veuve est là à accueillir le visiteur. Crime et châtiment, c'est la référence au chef-d'œuvre de Dostoïevski. Robert Badinter, qui a fait abolir la peine de mort en France, le cite. Le prince Mouchkine dit « Si j'étais peintre, je peindrais le visage du condamné à mort dans ce quart de seconde où il entend la lame descendre vers sa nuque. » C'est sûr que nous avons une république qui est un peu fondée sur l'histoire de la Révolution française, qui est beaucoup fondée sur l'histoire de la Révolution française, et que la guillotine qui égalise la mort, qui égalise le poids de la mort par rapport à tous les individus, a une présence très forte à l'intérieur de notre histoire. Moi, j'étais un peu hostile au fait de montrer la guillotine dans l'exposition, et finalement, les deux commissaires m'ont convaincu que c'était nécessaire. En particulier, Robert Badinter a eu cette phrase très belle, « Je ne me suis pas battu 50 ans contre la guillotine pour qu'elle soit abolie à l'intérieur de l'exposition. » Extrait du journal télévisé de France 2 du 29 avril 2010. En plus de Robert Badinter, vous entendiez dans cet extrait Guy Cocheval, président du musée d'Orsay. Pour nous raconter l'histoire de la guillotine, je reçois Pascal Bastien, qui est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Pascal Bastien, bonjour. Bonjour. Revenons sur ce caractère symbolique qu'évoquait dans l'extrait qu'on vient d'entendre Guy Cocheval. C'est vrai qu'il y a une association entre cet instrument, la guillotine, et l'histoire de France, la Révolution française. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui encore, la guillotine, dans l'imaginaire collectif français? On oublie assez rapidement que la guillotine est d'abord et avant tout un instrument de punition de criminels de droit commun, parce qu'on l'associe systématiquement à l'histoire de la Terreur, à l'histoire de la Révolution française, à la naissance difficile de la République. Et en ce sens, si on interroge n'importe quel Français ou n'importe quel Canadien de à quoi associez-vous la guillotine, mais c'est la Révolution, c'est Robespierre, ce sont les victimes, certains oseront même dire, ce sont les victimes des premiers totalitarismes. Donc la guillotine a, alors que le fondement même de son invention est très, très détaché de cet imaginaire, mais l'imaginaire de la guillotine est celui d'un régime politique. Un instrument révolutionnaire. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'au fond, effectivement, puis allons-y tout de suite dans ce contexte qui va nous mener à la mise au point de cet instrument de la mort, de la guillotine. Dans quel contexte est inventée la guillotine? La guillotine, d'abord, elle n'est pas franchement nouvelle. La guillotine est une invention française, mais elle est conçue, réfléchie à partir d'un modèle qui existe et qui est utilisé à Édimbourg au 16e, au 17e et au tout début du 18e siècle, qu'on appelle la Vierge, ce qui est assez particulier puisqu'on appellera la guillotine la veuve. Ouais. Mais donc, The Maiden, la Vierge, est une machine à décapiter, beaucoup plus petite, est une machine à décapiter qui est strictement utilisée dans le cadre écossais des 16e et du 17e siècle. Mais en fait, lorsque la révolution ébranle 89, il faut repenser le monde. Et dans ce monde, il y a le système judiciaire qui connaît des critiques extraordinairement sévères, graves, justifiées depuis au moins les années 1750-1760. Et dans ce cadre, il y a non seulement la procédure, on verra apparaître les premiers jurés dans le monde français, mais c'est aussi tout le système de la peine capitale qui doit être remis en cause et réfléchi. Donc, on réfléchit à ça, comment rendre... Et on part de loin, il faut dire. Je le disais au début, mais il y a une idée, au départ, il y a une idée humaniste dans cet instrument qu'on va mettre au point, qu'on va perfectionner, la guillotine, parce que il y a eu toutes sortes de méthodes d'exécution, mais jusqu'à la Révolution, jusqu'à l'entrée en application de la guillotine, tout le monde n'a pas droit au même châtiment. Mais il y a une idée qui est centrale, généralement, c'est le supplice. Il faut que ça fasse mal. C'est un petit peu ça l'idée jusqu'à la Révolution. Ouais. En fait, tout le système judiciaire d'Ancien Régime fonctionne sur trois critères. La correction, la rétribution et l'exemplarité. Alors évidemment, quand on accepte la peine capitale, la correction est un peu laissée de côté. Il reste la rétribution, vous méritez ce que vous recevez, et l'exemplarité, il faut qu'il y ait un spectacle. C'est-à-dire qu'il faut que votre exemple empêche les criminels en puissance de commettre le geste funeste qui les mèneront peut-être un jour à l'échafaud. Donc, en ce sens, tout le spectacle doit être effrayant, ouais, pense-t-on, et c'est du moins ce qui est utilisé, commenté par les plus grands jurisconsultes des 16e, 17e, 18e siècle, jusqu'à la remise en cause, en fait, au 18e siècle. À partir du moment où on reconnaît quelque chose que l'on sait depuis très longtemps, on reconnaît que la peine capitale n'est pas exemplaire. On reconnaît que, avec ou sans peine capitale, le criminel, lorsqu'il commet un geste, pense qu'il ne sera pas pris. Et en ce sens, peu importe le supplice qu'il ne voit pas, en quelque sorte, le supplice ne sera pas exemplaire. Et il y a toute une série de réflexions au cours du 18e siècle pour remettre en cause, ou plutôt pour réfléchir à une nouvelle forme d'exemplarité. Ouais. Quelle que soit la dureté de la méthode, il n'y a pas d'effet dissuasif. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est un des éléments qui sera au cœur des discussions des philosophes et qui sera au cœur des discussions des députés à l'Assemblée, puisque à partir du moment où... où on remet en cause l'exemplarité, mais que fait-on de la peine capitale? Et ouais, il y aura en 89, 90, 91 de grandes discussions, les premières grandes discussions sur l'abolition de la peine capitale. Ouais. Et Guillotin, le bon Guillotin, qui est député en fait, Joseph Ignace Guillotin, sera partie prenante à cette discussion, à cette réflexion. D'abord, un petit mot pour nous dire qui il est, puis pour nous parler aussi du rôle qu'il aura dans la mise au point de la guillotine. Guillotin est un médecin. C'est un député du tiers-État, donc c'est un médecin parisien, député du tiers-État à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il était, avant la Révolution, membre des États, député des États généraux, et puis lorsque les États généraux se transforment en Assemblée nationale, il devient partie prenante de la Constituante, c'est-à-dire cette Assemblée qui lui a donné une Constitution à la France. Donc c'est un médecin qui a toujours été, dit-on, philanthrope, humaniste, toujours soucieux, non seulement toujours soucieux de la santé et du confort de ses patients, mais aussi assez inquiet des conditions des prisons, assez inquiet de la peine capitale et des souffrances inutiles, croit-il, ouais, qu'ils reçoivent. Or, ce qu'il faut savoir, on a quelques idées de date dans notre imaginaire. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Le 4 août 89, c'est l'abolition générale des privilèges. L'abolition générale des privilèges, c'est non seulement une égalité devant l'impôt, mais c'est tout un système hiérarchique qui s'écroule. Ouais. Jusqu'alors, dans la peine capitale. Et c'est la noblesse, en gros, qui perd ses privilèges. Voilà, la noblesse et puis le clergé aussi, qui avait aussi toute une série de privilèges fiscaux dont il profitait jusqu'alors. Et dans le système pénal, la noblesse et les roturiers ne subissaient pas les mêmes supplices. Et ça, c'est très particulier à la France. En Angleterre, on n'a pas ce même genre de système, ni dans le Saint-Empire romain germanique. Donc, en France, le roturier, peu importe le crime qu'il commet, est pendu, ou roué, c'est-à-dire ses os sont brisés, ou à la rigueur, dans un crime vraiment abominable, il sera brûlé. Mais le noble, lui, mérite la décapitation. Et en abolissant les privilèges, c'est donc cette distinction aussi qui s'efface. Ouais. Et il y a donc rapidement une discussion sur, eh bien, dans ce cadre, que fait-on du système judiciaire et du système pénal? Quelle peine sera égal pour tous. Et ça, c'est la première grande idée de Guillotin, pour revenir à lui, c'est que tous doivent être égaux devant l'échafaud, devant la mort, quand on parle de gens qui sont condamnés à mort. Donc, même peine, ce sera la guillotine, même peine, même méthode d'exécution pour tout le monde. Oui. En fait, voyez-vous, dès le 9 octobre 89, pour vous dire à quel point tout ça se fait extrêmement rapidement. 14 juillet, prise de la Bastille, 9 octobre, on réfléchit déjà à cet arsenal pénal qui doit être réinventé. Et le 9 octobre, c'est donc le député de Paris qui demande un amendement à une réforme qui a été votée la veille. Cet amendement, je me permets de vous le lire, l'article 29 qu'il veut imposer et qui est évidemment accepté, les mêmes délits seront punis par le même genre de supplice, quel que soit le rang et l'état du coupable. Oui. C'est une réponse directe au 4 août. Et l'article 30, dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même. Quelle que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable, le criminel aura la tête tranchée. Oui. Et cet article 30, donc, décide que ce ne sera pas la pendaison, mais ce sera l'épée, oui, hein, qui décidera du sort de tous les condamnés à mort. Donc ça, c'est un premier principe de base. On choisit une méthode d'exécution unique, la même pour tout le monde. L'autre préoccupation, puis je reviens à cette fibre humaniste de Guillotin, mais de ceux qui l'entoureront aussi, c'est parce que même ceux qui, les nobles, qui étaient décapités, donc qui avaient un sort particulier, une méthode d'exécution leur était réservée à eux, mais ça ne se passait pas toujours très bien. Et ça, Guillotin en est conscient. Vous disiez, c'est un médecin qui est consciencieux, qui est préoccupé du sort de ses patients. Et il se dit, il faut aussi se préoccuper de la souffrance. Et en fait, l'autre grande idée de la guillotine, c'est ça. C'est que la méthode soit la moins souffrante possible. Tout à fait. D'abord, entre 89 et 92, avril 92, il s'agira de la première exécution à la guillotine. Parce qu'en 89, on admet que seule la peine capitale par épée ou par le coup tranché sera admise, mais on n'a rien entre les mains. Et le bourreau, donc Charles-Henri Sanson, refuse de se lancer dans des décapitations à l'épée, ce qui est l'usage, parce qu'il se dit « maintenant, vous allez m'amener des roturiers, des gens qui n'ont pas la formation et le flegme de l'aristocratie. Imaginez les massacres que je vais commettre s'ils ne se tiennent pas droit, si on doit les tenir. Donc, il faut construire une machine. Et moi, je veux bien la faire fonctionner, mais ce n'est pas mon épée qui va trancher des coups. » Donc, entre 89 et 92, il y a une grande réflexion pour construire des machines qui doivent être pas si chères à fabriquer, parce que ce n'est pas simplement Paris qui en aura une. C'est l'ensemble de la France qui doit avoir sa machine. Et donc, en effet, Guillotin, qui est un médecin, va demander à son ami Antoine Louis, qui est chirurgien, de réfléchir à une machine. Antoine Louis avait beaucoup réfléchi, depuis d'ailleurs plusieurs années, sur les effets de la pendaison. Est-ce que la pendaison, est une peine rapide ou pas? Et en fait, il y a un troisième personnage dont on connaît moins l'existence, mais c'est Tobias Schmidt, qui est un facteur de clavecin, et qui sera celui qui dessinera la machine. Ce sera celui qui fabriquera la machine. Donc, trois compagnons, si vous voulez, Guillotin, Antoine Louis. Guillotin est plutôt le maître de l'idée, Antoine Louis, le véritable penseur de la machine, et Tobias Schmidt, celui qui la construira. Le député Guillotin, dans la médecine, très expert et très malin, fit une machine pour purger le corps français de tous les gens à projet. C'est la guillotine au guet, c'est la guillotine. Juliette Gréco interprétant en 1989 la chanson La Guillotine, une vieille chanson, une chanson qui date de 1793. La Guillotine sera d'abord surnommée Louisette ou Louison, référence directe au nom d'Antoine Louis dont vous nous parliez à l'instant, Pascal Bastien. Comment on en vient, et ça va l'indisposer passablement d'ailleurs, à nommer cette fameuse machine de mise à mort La Guillotine? On s'en moque un petit peu dans la chanson qu'on vient d'entendre. Vous connaissez l'adage, hein, « À Paris, tout finit en chanson ». Et il est vrai que dès 92, toute une série de mots d'esprit, de chansons vont essayer de donner à cette machine, qui n'a alors pas vraiment de nom, lui donner une appellation particulière. Louison, Louisette pour Antoine Louis, mais Antoine Louis avait eu la présence d'esprit de vouloir jamais prendre quelque bénéfice que ce soit à l'égard de la construction de la machine. Guillotine sera le nom qui subsistera, mais il y aura beaucoup d'autres noms. J'évoquais tantôt la veuve, ouais. La vengeresse. Donc, on va réfléchir, si vous voulez, une espèce de révolution linguistique qui accompagne la révolution ouais. pénale, qui va faire en sorte qu'assez rapidement, Guillotin ne pourra pas jamais s'en détacher, hélas, pour lui, ouais. et que la guillotine aura un sens vif et qui restera dans l'esprit des Français. Première utilisation de cette fameuse guillotine le 25 avril 1792. Qui est la première victime de la guillotine? Donc, on avait essayé sur des animaux, comme on le fait souvent, hein, on avait essayé sur des coups de moutons morts d'abord et ensuite vivants, puis sur des cadavres masculins pour voir si l'exécution pouvait se dérouler sans trop de problèmes. Et c'est Nicolas Berger, un assassin, puisque, hein, je le rappelais, il s'agit d'abord et avant tout d'une machine de droit commun. Ouais. Il s'agit de la peine capitale pour des criminels de droit commun. Et c'est Nicolas Berger qui sera exécuté en avril 92. Lorsqu'on prépare l'exécution à la place de Grève, les exécutions capitales assez souvent hein, réunissent un public assez large, mais le spectacle déçoit. Hein, le spectacle déçoit, c'est-à-dire que c'est la machine qui impressionne, mais ce n'est pas le supplice. Oui. Ben justement, à ce propos, on écoute l'historien français Daniel Arras à l'émission « Lieu de mémoire, la guillotine » diffusée à France Culture en 1997. Et il s'est produit ce qui devait se produire du point de vue de l'humanité et des Lumières, c'est qu'il n'y a plus de spectacle. Il n'y a plus de spectacle. La chute du couteau était si rapide que, comme l'a dit par la suite, certains spectateurs, eh bien, on n'a pas le temps d'être ému. Hein, on n'a pas le temps d'être ému. Et donc la guillotine, en elle-même, remplissait sa fonction humanitaire, hein, élever l'humanité et ne pas susciter la bête en l'homme. Et en même temps, ça supprime le fait que la personne qui regarde ait quelque chose à voir. Il n'y a rien à voir. Vous savez, le sang, ça dépend de la distance à laquelle on se trouvait de l'échafaud. Car si on est tout près de l'échafaud, on peut être même arrosé de sang parfois. Mais en général, le peuple était assez loin de l'échafaud, donc le sang se répandait sur l'échafaud. Bon, quand il y a en revanche 30 condamnés exécutés par jour, ou 45, comme au moment des pires de la terreur, là, multiplié par 5, ça vous fait 200 litres de sang. C'est vrai que ça commence à faire une masse de sang sur le sol même, assez répugnante, d'autant plus que les chiens viennent le lécher, etc. Bon, alors on a à ce moment-là des scènes finalement horribles, et ça sera la catastrophe de la guillotine. Mais au départ, la guillotine remplit sa mission en annulant le spectacle. Résultat, le peuple revenant de l'exécution, chantait, paraît-il, dans les rues de Paris, « Rendez-nous la potence, rendez-nous la potence ». Alors on y revient forcément, Pascal Bastien, à cette fameuse terreur. C'est le moment où la guillotine est à son pic. Là. C'est les têtes tombent à une vitesse folle. Oui. Entre 93 et 94, il y a effectivement quelques milliers de condamnés à mort dans le moment le plus vif et le plus sanglant de la terreur. À Paris, mais aussi ailleurs en France, hein, et on exécute par balle aussi, ou par noyade, lorsque le cas se présente. Mais ce que Daniel Arras évoquait, c'est effectivement qu'il y a un moment de concentration tellement vive de la guillotine qu'elle perd presque son objectif. Ouais. C'est que les flots de sang, le parcours de ces dizaines de condamnés qui doivent attendre les uns après les autres, et on les exécute d'une façon très, très rapide, mais les têtes tombent parce que le panier est trop plein. Il s'agit à la fois donc d'un moment de quelques mois qui touche très, très vivement l'esprit des Parisiens, et puis il y a tous les contre-révolutionnaires qui vont multiplier les estampes pour mettre en mémoire ce spectacle et faire de la guillotine l'instrument du cannibalisme jacobin. Ouais. Et ce qui, vous le disiez dès le départ, mais ce sera la grande image. On est encore, cette image-là est encore celle qui, spontanément, aujourd'hui, nous vient en tête, sans faire de mauvais jeu de mots, quand on pense à la guillotine. Oui, tout à fait. Ouais. Et faut aussi, au-delà, je terminerai là-dessus, au-delà des flots de sang, il faut aussi imaginer, et c'est ce que l'exposition de 2010 qu'évoquait Robert Badinter tout à l'heure a pu montrer, on voit dans quelques musées des guillotines, mais qui sont des reconstitutions. La vraie guillotine qui a été mise en scène dans le musée en 2010, elle fait plus de 5 mètres. C'est énorme. Donc déjà, la machine est en soi effrayante et c'est cet effroi hein, qui reste dans l'imaginaire encore aujourd'hui. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Yeah! À nouveau un extrait du film de 1989, La Révolution française. C'est la scène de l'exécution de Louis XVI qu'évoquait l'extrait qu'on vient d'entendre. Donc Louis XVI, bien sûr, sera parmi ces très nombreuses célébrités, appelons-les comme ça, Pascal Bastien, qui vont mourir par cette lame de la guillotine. En fait, le terme est très juste. Hein. Ils deviennent des célébrités. Ce que la guillotine perd en spectacle de la mort, elle donne en spectacle de l'acteur. Hein. Et on entend le dialogue de Louis XVI, Marie-Antoinette, Madame Roland, Danton, Robespierre. Danton, on connaît la formule, là, montrez-leur la tête, elle en vaut la peine. Mmh. Il y a un parcours et il y a pour beaucoup une utilisation du parcours pour donner un sens à ce spectacle qui n'en est plus un. Et en ce sens, il y a, et ça aussi c'est un déplacement particulier, c'est comme si le supplice autrefois donnait un sens par la douleur, maintenant c'est la sensibilité de celui qui s'en va qui devient le héros. Ouais. Ce n'est plus le bourreau qui est le héros, c'est le condamné. Puis il y aura différentes périodes. La guillotine sera toujours utilisée donc, en droit commun, mais donc la Révolution française, la Terreur, où vraiment les têtes tombent abondamment. Et puis au 19e siècle aussi, il y aura des exécutions célèbres. Oui, tout au long du 19e, au début tout au long du 20e siècle aussi, il y aura certains personnages qui ont été immortalisés parfois dans le cinéma, mais Landru en 1922 en France, mais en Allemagne, le vampire de Düsseldorf en 1932, celui qui a permis à Fritz Lang de faire M le maudit. Marcel Petiot, celui qui, dont on avait trouvé le médecin qui prétendait sauver les Juifs et qui en fait les tuait lui-même dans son domicile, est exécuté en 1946. Il y a effectivement toute une série d'exécutions célèbres, mais là encore, votre terme était très juste tout à l'heure, c'est plutôt les criminels qui fascinent, hein, moins que ouais. L'exécution. En 1870, la guillotine est mise au sol, elle n'est plus sur un échafaud parce qu'on veut rendre plus discret l'exécution. Et puis, à partir de 1930, elle disparaît dans les prisons et on exécute au secret, comme dans les exécutions américaines aujourd'hui, ouais. Avec un public trié sur le volet. Et elle est, vous parliez de l'Allemagne, elle est donc utilisée à l'extérieur de la France, la guillotine. Oui, parce que les armées révolutionnaires et les armées impériales ont, pendant le Grand Empire napoléonien, a imposé son système judiciaire. Et lorsque 1815 intervient, ben, les systèmes judiciaires sont pour la plupart, hein, avec quelques modifications, conservés. Et la guillotine, on retient que c'est d'abord et avant tout aussi une machine humanitaire. Donc, en France, en Belgique, en Italie, en Allemagne, au Luxembourg, au Danemark, en Grèce, en Suède, en Finlande, la guillotine est utilisée. Parfois, elle sera remplacée par la pendaison, mais essentiellement, elle est utilisée jusqu'à l'abolition de la peine de mort. Oui, et ce qui nous amène, ça c'est assez, avec le recul, assez hallucinant, horrifiant, je ne sais pas quel qualificatif utiliser, mais en France, dernière exécution à la guillotine en 1977. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est hier matin, ça. C'est la dernière exécution à la guillotine. La France abolira la peine de mort en 1981. Et pour nous, ça ne fait aucun sens hein, qu'on puisse encore couper la tête en 1977. Mais c'est ce que Badinter s'est battu toujours, ouais. toujours pour sauver ses clients, mais surtout pour se battre contre la guillotine. Ouais. Et c'est Amida Jeanne Boudy qui sera le dernier homme exécuté en France par la guillotine. Un assassin aussi. Ouais. Pascal Bastien, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Tania Gancheva. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.